c'est l'heure. Mais l'heure de quoi? De Fréquence BD, Billy, sur Radio Fadjet. Oh, oh, avec Benjamin. Le seul et unique Super Saiyan de la littérature. Super Saiyan de la littérature? Mais ça veut rien dire. Fréquence BD. Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée tous les premiers vendredis du mois sur Fadjet. Bon, on n'est pas le premier vendredi du mois, mais ça s'explique par la présence d'examens, car nous sommes étudiants et nous sommes soumis à cette force de la nature dirigée par l'éducation nationale. Et aujourd'hui, une émission spéciale, car nous aurons un invité que nous vous présenterons tout à l'heure. Mais avant de parler invité, je vais vous présenter voilà, mes deux chroniqueurs qui sont avec moi, à mes côtés. Bonjour tout d'abord, Gabriel, comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, la forme depuis la dernière fois? Oh, bien sûr, oui. Est-ce que tes examens se sont bien passés? Marie, comment vas-tu? Marie, c'est vrai. Ça va très bien. Alors, Gabriel a esquivé la question, mais toi, est-ce que ça s'est bien passé? Ah, du coup, est-ce que tu vas bien, Gabriel? Bon, d'accord, oui. Je peux comprendre à votre esquivage de questions que vous préférez ne pas en parler, mais ce n'est pas grave, de toute façon, on n'est pas là pour ça. Voilà, je voulais quand même me renseigner hein, sur votre capacité à gérer les examens. Enfin bref, comme vous l'avez entendu, nous avons des jingles dans notre émission. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Ils sont incroyables, ils sont super. Eh oui, ils sont plutôt sympas. Vous avez sans doute reconnu, hein, pour ceux qui traînent un peu sur les forums, que c'est la voix de Bob Lennon que nous avons entendu là. Et Bob Lennon qui sera notre invité tout à l'heure. Mais on vous en parlera plus tard à ce moment-là. Mais sans transition, on va parler tout de suite des sorties BD. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, allons-y. Fréquence BD. Alors, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent pour ce mois de juin? Donc, je vous ai fait une petite sélection et qui est plutôt intéressante. Alors, est-ce que vous aimez la cuisine? Oui. Oui, bah, la cuisine, c'est plutôt sympa. Alors, il y a une BD qui est sortie le 9 juin, qui s'appelle « Graines de chef », dans ses dessus, et de la motte. Alors, qu'est-ce que ça raconte? En fait, ça raconte l'histoire de Sissi. C'est une jeune fille hein, qui est originaire de Taïwan et qui a déménagé pour Seattle. Et en fait, elle souhaite fêter les 70 ans de sa grand-mère, mais cette dernière n'a pas d'argent pour se payer le trajet. Et donc, Sissi va participer à un concours de cuisine pour enfants pour financer justement le voyage de sa grand-mère. Mais le seul problème, c'est qu'elle ne connaît pas les styles de cuisine de son nouveau pays et ne sait cuisiner que taïwanais. Donc, c'est une bande dessinée qui, justement, va nous apprendre les recettes, les relations entre différents pays, les différentes cultures. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant comme petite BD rafraîchissante voilà, sur le thème de la nourriture. Donc, Graines de chef, qu'est-ce que ça vous donne envie? Ça donne très envie. Ça donne envie de manger. Alors, j'ai faim de cette BD. Exactement. Est-ce que vous aimez bien manger taïwanais? J'ai jamais mangé taïwanais. Eh bien, tu pourras manger en lisant Graines de chef. Voilà, c'est l'occasion. Ah, quelle bonne idée. Mais alors, pas du tout dans le même registre, je vous propose Hanté de Pizzé Oliver, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est sorti le 10 juin. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Tilda. Enfin non, ça raconte l'histoire de la sœur de Tilda qui est morte dans un accident de scooter. Et donc en fait, Tilda, elle a été placée dans un refuge, parce qu'en fait, après la mort de sa sœur, elle a du mal à assurer le coup. Et donc elle est dans un lieu qui est pour les jeunes en difficulté. Et en fait, lors de son séjour, elle va s'initier au spiritisme à l'aide de ses camarades, et elle va commencer en fait à voir des esprits partout. Vous vous doutez bien, ça va un peu la désorienter. Et en fait, elle se dit qu'elle va pouvoir, grâce au spiritisme, contacter sa défunte sœur. Mais le problème, c'est que arrive au refuge un chasseur de fantômes, mais qui a l'air très sérieux dans son affaire. Donc voilà, une histoire hein, qui parle du deuil et avec un peu de science-fiction derrière. Donc ça m'a intéressé. Hanté, donc le 10 juin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une BD qui s'adresse plus à un jeune ou avec, enfin voilà, ou est-ce que c'est plus un adulte? Alors, un graphisme particulier ou en fait les deux peuvent être possibles? Alors c'est une excellente question, mais non, c'est plus la cible, c'est plutôt les jeunes jeunes adultes, adolescents même. Voilà, donc c'est une approche en fait du deuil, mais avec un peu de voilà d'imaginaire, les chasseurs de fantômes, etc. Donc non, c'est vraiment quelque chose qui peut être lu par à peu près tout le monde. Il n'y a pas de problème là-dessus, Marie. Très bien. Et vu qu'on a parlé de mort, pas parler d'une bande dessinée qui s'appelle Tu ne tueras point, de Trip et de Doisneau, qui sort le 11 juin. Alors, Tu ne tueras point, en fait, c'est un recueil de faits divers qui ont été racontés par Christophe Ondelat sur Europe 1. Est-ce que vous connaissez ? Je connais, ouais. Et donc, et ben voilà, en fait, cet homme-là raconte, en fait, a raconté à la radio plusieurs histoires, voilà, des faits divers sur des personnalités ou non, hein, qui sont mortes. Donc, ça peut être un SDF, comme ça peut être un politique. Et en fait, justement, cette bande dessinée va essayer de comprendre le pourquoi du comment de ces assassinats, quelle était la volonté du tueur, est-ce que c'est un règlement de compte, est-ce qu'il y avait d'autres histoires derrière. Donc voilà, c'est en fait une BD qui va mettre l'accent sur plusieurs faits divers, et je trouve ça vachement intéressant. Et également, hein, pour ceux qui écoutent Christophe Ondelat sur Europe 1, si je dis pas de bêtises, hein, il me semble que c'est bien Europe 1, voilà, ça peut être toujours sympa. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Oui, pourquoi pas. Voilà. C'est le fait que pour ceux qui aiment... En petite nouvelle, quoi. Mmh. Qu'est-ce que tu... Non, je disais pour ceux qui aiment les faits divers, ce genre de choses. Oui, et puis même les histoires de meurtre, ça rapproche un peu, hein, dans les histoires, on aime toujours ça. On a quand même une fascination pour la mort qui est plutôt spéciale. Et enfin, en vrac, donc je vous propose... Alors, ça, on les connaît, hein, mais parce qu'il y a des bons tomes, enfin, il y a des bonnes BD, hein, qui sortent ce mois-ci. Il y a le tome 6 des Cahiers d'Esther, donc de Riyad Satouf, hein, donc, qui raconte l'histoire vraie d'une enfant de cette génération-là. Hein, donc le tome 6, il me semble, c'est l'histoire de ses 15 ou 16 ans, je ne sais plus. Gabriel, il me semble que tu lis Riyad Satouf, est-ce que tu peux me confirmer ? Oui, bien sûr, tu dis vrai. Oui, merci beaucoup. Donc, mais est-ce que tu l'as lu, toi, les Cahiers d'Esther ? J'en ai lu certains, oui. Je dois dire que j'ai pas tout lu. Je trouve ça vachement sympa. Mais c'est une BD très qualitative, oui. Et surtout, on connaît le style d'écriture, hein, de Riyad Satouf, hein, qui a également fait L'Arabe du Futur. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est le quotidien de la jeune fille, donc c'est le point de vue de l'ado. Donc voilà, c'est une BD qui est très intéressante à lire et qui n'est pas forcément humoristique. Donc les Cahiers d'Esther. Enfin, il y a également le tome 112 de Donjon Crépuscule qui sort, donc l'énorme série de Loïs Trondheim et de Johan Sfar. Donc bon, c'est le tome 112, mais en réalité c'est le tome 3 de Donjon Crépuscule, enfin le tome 3 ou 4 de la série Donjon Crépuscule. Donc en fait, la série des donjons, c'est une énorme série qui s'étend sur des séries et des spin-offs infinis. Et voilà, c'est vachement sympa, je me suis plongé dedans récemment. Est-ce que vous les avez lus, vous ? Alors non. Alors, je n'ai pas lu, ça fait super longtemps qu'il faut que... Bah, il faut... Tu fais bien de m'en reparler. Ouais. Cette sortie, ça motive ma lecture. Ouais, et surtout qu'en ce moment, ils font pas mal d'offres découvertes dans les librairies pour la série Donjon, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas en profiter, justement. Et ensuite... Effectivement. Voilà, si on reste dans le plus classique, il y a le tome 52 de Léonard. Bon, ouais, ça marche toujours, Léonard. Je suis pas trop fan. Je sais qu'il y en a... Moi, ouais, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que ça sort... c'est comme un produit industriel, quoi. Oui, c'est vrai, par rapport à d'autres... Léonard, bon, je sais pas d'où vient toute leur inspiration, mais en tout cas, c'est là. Et enfin, deux intégraux de Miss Patouche, donc un thriller très intéressant. Donc voilà, ça, ils ressortent les intégraux. Donc si vous êtes fan de thrillers, d'histoires de meurtre, de complot, bah, Miss Patouche vous intéressera. Et en plus, bah, comme vous en doutez avec le titre, il y a un peu d'aristocratie, donc on aime les histoires qui se passent dans les milieux aisés. Enfin voilà, c'était ma sélection du mois de juin. Est-ce que vous avez, voilà, vous connaissez des BD qui sont sortis ce mois-ci ? Oui. Alors, on t'écoute, Gabriel. Alors, est-ce que vous aimez Lucky Luke ? Oui, ça va. Tout le monde aime Lucky Luke, c'est une grande BD. Et alors, justement, il y a le 4 juin, donc une nouvelle BD Lucky Luke qui est sortie, dans un style très différent de ce qu'on pouvait avoir avec Maurice, hein, et Goscinny. Donc, il s'appelle Lucky Luke se recycle. Bah, c'est de Mawil, donc édité par Dargo. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Lucky Luke se recycle ? Parce que ça fait un peu écologie. Alors, Lucky Luke rencontre un concepteur, un inventeur, en fait. On parlait de Léonard tout à l'heure, c'est assez proche. Il rencontre Albert Obermann, qui trouve avoir inventé le vélo. D'accord. Et donc, il se retrouve sur une selle de vélo, donc à devoir traverser l'Amérique pour mener jusqu'à San Francisco, donc l'invention, donc le vélo. Ok. C'est trop marrant, c'est trop bien. Et bah ouais, c'est vachement original comme concept. Bah, je n'avais pas entendu parler de cette sortie. Et donc, bon, bah merci beaucoup, Gabriel, pour cet apport supplémentaire. Et est-ce que vous avez jeté un coup d'œil, parce qu'il y a aussi, ça me fait penser, donc il y a quelques mois aussi, il y a une autre BD Lucky Luke qui est sortie, qui s'appelle Wanty de Lucky Luke. Et je recommande aussi, voilà, les deux BD qu'a fait Mathieu Bonhomme donc sur Lucky Luke. Voilà, c'est trois BD, en tout cas, dans un style totalement différent, sont vraiment très bien. Eh bien, sur ce, je pense qu'on va pouvoir écouter une petite chanson avant de laisser place à notre invité de ce soir. On le présentera beaucoup mieux tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on va écouter ? Est-ce que vous avez une petite idée ? Pourquoi pas un petit peu de country, du coup ? Du country, vu qu'on a parlé de Lucky Luke ? Oui. C'est une excellente idée. Alors, est-ce que tu as un titre en tête ? Non, on peut mettre Jimmy de Moriarty. C'est sympathique. Et ben on va mettre dans Jimmy de Moriarty et on se retrouve juste après sur Fréquence BD. Used to say, do what you do. If you Vous êtes de retour sur Fréquence BD, sur Fadjet, votre émission bande dessinée, tous les premiers vendredis du mois, même si on est le deuxième. C'est quand même un petit peu spécial, mais ce n'est pas grave. Et aujourd'hui, nous avons la chance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, juste après cette magnifique chanson, nous avons la chance de recevoir avec nous un invité de renom, un invité qu'on a longtemps teasé, qu'on a eu du mal à avoir parce qu'il a eu des problèmes dans le temps. Je parle évidemment de Bob Lennon. Bob Lennon, bonjour à toi. Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue sur Fadjet. Enfin, je dis bienvenue, mais vous êtes sans doute déjà là et vous suivez déjà l'émission. Depuis une demi-heure, c'est juste que j'ai été mis dans un box, on m'a donné un micro, on m'a dit des instructions et je suis là pour sourire, mais comme c'est de la radio, on ne le verra pas, donc c'est pas grave. Merci infiniment, en tout cas, Benjamin, et bonjour à toi. Bah, merci beaucoup et merci pour ta bonne humeur. Donc, pour ceux qui ont été attentifs, c'est également toi donc, qui fais la voix hein, de l'émission, les jingles. Bon voilà, c'est tout. Oui, c'est cramé. En plus, les jiggles sont déjà passés, donc ils savent que c'est sur Fadjet. Les effets spéciaux, bah, ça a toujours fait rire. Les vieux effets spéciaux avec la bouche, en tout cas, voilà. Mais bon, un plaisir d'être dans ton émission. Et merci d'avoir si vaillamment attendu mon arrivée malgré mon emploi du temps de ministre et le Covid. Il faut le dire, ce sont les choses qui arrivent. Alors, avec mes deux chroniqueurs ici présents, on a plein de questions à te poser, mais tout d'abord, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, pour les auditeurs qui nous écoutent, parce que bah, Bob Lennon, je ne pense pas me tromper en disant que ce n'est pas une personnalité qui parle beaucoup pour les personnes de l'âge de nos parents et qui peuvent écouter Fadjet. Alors, tout simplement, Bob Lennon, est-ce que tu pourrais te présenter voilà, brièvement, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Allons-y ! Monsieur, madame, vous ne me connaissez pas et c'est bien normal, rassurez-vous, ce n'est pas une des nombreuses erreurs que vous avez sans doute déjà fait dans votre vie et que vous ne pourrez donc pas regretter, c'est toujours ça qui est gratuit et guilt-free. Je suis Bob Lennon, un animateur, présentateur, joueur truculent avec 2 millions d'abonnés sur le YouTube français. Je suis donc connu de la plupart des jeunes puisque je suis en grande partie responsable de leur échec scolaire à cause de mes vidéos extrêmement divertissantes, attachantes et addictives, je pourrais dire, surtout dans l'univers de Minecraft. Ça fait 10 ans que je fais ça maintenant. Donc maintenant, les enfants avec qui j'ai rigolé ont grandi et sont maintenant imposables et tu des émissions de radio. Oui, tu as 3 enfants devant toi. Hein. On t'écoutait il y a 10 ans. Est-ce que vous êtes prétendument imposable et responsable? Prétendument. Prétendument. Prétendument. Ouais. Mon travail ici est donc terminé. Fin de l'émission, je me casse. Non, je fais ça. Mais du coup, voilà. Donc, je fais des vidéos YouTube et je divertis les enfants. Pour vous, génération au-dessus qui ne regardez pas forcément ce contenu, je suis l'équivalent d'un animateur télé très connu dans les années 90 environ. Moins parce que la télé était centralisée à l'époque et que tout le monde connaissait Dorothée ou les présentateurs ou les animateurs de l'époque. Mais je fais partie de cette sous-génération fragmentée qui, elle, a grandi sur Internet et qui a fait grandir les autres grâce à Internet et non plus grâce à la télévision. Voilà. C'est pour l'exemple. Donc merci beaucoup pour ce résumé. Ça me paraît raisonnable, voilà, comme résumé situationnel, comme ça au moins ils savent à peu près d'où je viens et pourquoi. Voilà, voilà. Et donc on ne t'invite pas par hasard, enfin même si c'est un grand kiff, parce que les enfants, comme tu dis, qui ont grandi avec toi sont ici présents. Mais ça, tu vois, je continue à dire les enfants, mais c'est parce que j'accepte pas de vieillir, en fait. Non, mais il y a pas de souci. Et j'en suis très conscient, hein, c'est l'effet Peter Pan, je suis là, non, au secours, non, je fais pas de soucis. Mais bon, que voulez-vous. On n'accepte pas de grandir, donc comme ça, c'est ok. Et pourtant, il faut, c'est terrible, les enfants, il faut. Et donc, on t'invite tout simplement parce que tu as fait quelque chose d'assez intéressant. Tu as, en fait, écrit un livre, donc on en parlera plus en détail tout à l'heure. Alors, même si c'est pas de la bande dessinée, on va quand même en parler parce que sa création est quand même originale, hein, vu qu'on parle de financement participatif, mais on en parlera plus en détail tout à l'heure, si ça te dérange pas. Non, sans aucun problème, je suis là pour ça, je n'ai que ça à faire. Mais justement, vu qu'un voilà, un bouquin, les idées ne viennent pas comme ça, on ne naît pas Bob Lennon, hein, on se crée, voilà, la personnalité. C'est pour ça qu'on avait quelques questions à te poser sur tout ce qui est inspiration, tout ce qui est ton univers. Et il me semble que Gabriel, justement, tu avais quelques questions là-dessus. Je t'en prie. Mais oui, tout à fait, parce que la bande dessinée, c'est quand même pas du tout absent de Bob Lennon et de, alors avant, Fanta Bob Game, etc. Parce que t'en parles quand même souvent. Hein. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais ça fait 10 ans que je fais du YouTube et auparavant, j'étais partenarié avec quelqu'un qui s'appelait Fanta, qui était mon partenaire de crime pendant 8 ans, mais qui a ensuite quitter la scène parce que il voulait s'occuper de sa famille, parce que ça le gavait, parce qu'il voulait changer d'emploi, parce qu'il voulait faire autre chose de sa vie. Et maintenant, il en est parfaitement heureux. Et il m'a laissé le bateau. Moi, j'ai continué parce que malheureusement, je pense pas que je pourrais me passer d'être un animateur et un trublion truculent jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. C'est quand on est débile, on reste débile. Que voulez-vous ? C'est très très bon à entendre en tout cas. Et voilà, tu parlais beaucoup de, alors je me souviens de Picsou, de Léonard et tout, parce que c'est le truc que je disais aussi. Absolument, absolument, absolument. J'ai grandi, moi, génération télé et BD. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient énormément de BD, et pas forcément que des BD pour enfants, si tu veux. C'est pour ça. Donc j'ai eu la chance d'avoir un accès illimité à cette bibliothèque, et je pouvais lire des trucs extrêmement hétéroclites comme, je sais pas, les Manus de Margerin, si tu veux, ou sauter directement sur les non, j'ai d'autres titres, mais si je parle de Milo Manara, bon. Ici, on a fait une émission il y a quelques semaines sur la BD érotique. Oui, voilà, mais c'est pour te dire à quel point. Là, je suis étonné que tu connaisses Gabriel parce que j'étais pas. Mais c'était. Ah, c'est garanti, tu vois. Mais j'ai vraiment eu de tout, et ça, c'est pas un reproche, c'est pas un regret que j'ai, où je vais pas regarder mes parents en disant non, mais mal éduqué, c'est terrible. Au contraire, parce qu'en fait, ça a instigé en moi un véritable sentiment de franchise. C'est-à-dire que le monde extérieur et qui nous entoure est à la fois beau et laid, il y a de tout. Et s'occulter volontairement une partie comme une autre sans voir la poésie de son ensemble, c'est pour moi absolument délétère lorsqu'on est auteur. Donc tu es en train surtout de... lorsqu'on est auteur pour livres, pour gosses, pour enfants. C'est pas mon cas, mais j'imagine que voilà, c'est pour ça. Donc tu es en train de dire qu'en fait, juste, parce que excuse-moi Gabriel, mais je voulais juste m'assurer si c'était bien ça, mais tu veux dire que justement, c'est la profusion de choix que tu as eu qui t'a permis justement d'apprendre en absolument. Fait. Absolument. Okay. Absolument, d'apprendre et surtout de manière complètement non anesthésiée. Et je dis pas que ça vient pas avec son lot de problèmes, de traumas et tout le reste ou quoi que ce soit, mais ça amène envers une honnêteté existentielle qui pour moi est absolument essentielle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux manières d'aborder des sujets lorsque tu fais des trucs pour enfants par exemple, c'est que soit tu les occultes complètement, genre tu fais comme dans Harry Potter et tu dis que le sexe n'existe pas, si tu veux, jamais, alors que c'est des magiciens, qu'ils ont tout ce qu'il faut pour, enfin, jamais tu mentionnes rien, tu vois. Ils ont des potions de polyjus qui peuvent leur faire changer d'apparence. D'où Jésus, tu vois, les possibilités sont infinies et le fait que c'est jamais effleuré, même en passant de manière poétique, tu vois, même de manière feutrée, tu vois, ça me paraît malhonnête. Parce que ce serait pas comme ça que ce serait cohérent, que ce serait logique. Alors que, par opposition, les anciens contes, tu vois, les contes Grimm, le petit chaperon rouge ou quoi que ce soit, le petit chaperon rouge notamment, qui se finit mal, le vrai, hein, je parle pas de la version Disney, tu vois, c'est pour ça, qui se finit mal, mais qui a l'honnêteté d'au moins garder la leçon dans son récit, tu vois. Le gamin peut accepter que dans Le Roi Lion, le Mufasa, il meurt. Voilà, il faut, c'est dur, ça le fait pleurer, c'est terrible, le père est mort, ça l'introduit à un concept grave, mais c'est important parce que ça l'introduit au concept de croissance et au concept que la vie parfois c'est pas toujours rose et que parfois ça te frappe au coin de la gueule, mais que tu peux t'en relever, que tu peux aller voir tes potes, Hakuna Matata, t'en remettre, retrouver ta destinée, blablabla. Tu vois, tous les principes de leçons qui vont avec les difficultés et les bassesses de la vie, qui de nos jours sont très présentes dans la vie réelle, mais peu présentes dans les médias de divertissement. Ce qui est, à mon humble avis, une fuite mentale, hein, bien sûr. Hein, on fuit la réalité qui est horrible dans des médias qui sont joyeux, en rose et en pâquerette. Mais d'accord. Le problème avec ça, c'est que ça aseptise, et en aseptisant à l'infini, bah, il n'y a pas de système immunitaire mental. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de... Voilà, c'est ma vision là-dessus. Alors bien sûr, toujours en modération, tu vas pas commencer à mettre les gamins devant des films d'horreur en 4K, si tu veux, s'il vous plaît. Voilà, toujours en modération comme ça. Mais d'avoir au moins l'honnêteté, la sincérité, c'est ça. Mais d'où ton amour de Don Rosa, peut-être. Absolument. Voilà, d'aider un peu mature. C'est Léonard, c'est Berserk à la fois, quoi. Absolument, absolument. Alors après, bien sûr, ça ne se porte pas dans tous les médias. Tu vois, il y a des BD, ça reste des blagues pour enfants. Les Gaston Lagaffe, tu vois, on osef, tu vois, c'est, on reste dans ce domaine. Mais il y a une raison pour laquelle les gens aiment beaucoup plus Donald que Mickey à travers le monde. C'est parce que Mickey est parfait. Mickey est aseptisé. Mickey n'a pas de défaut. Donald est colérique. Il est jaloux. Il est généreux. Il est courageux. Il est couard. Il est Il est normal. Oui, Donald est bien plus humain que Mickey. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs les très récents dessins animés de Mickey, je sais pas si vous avez vu ça, mais Disney a fait des Mickey Shorts, c'est-à-dire des espèces de dessins animés de Mickey qui durent peut-être 3 minutes sur YouTube, qui ont été faits en 2018 ou autre, qui sont beaucoup plus hilarants, mais genre c'est du génie, genre tu crèves de rire devant, que tu sois un enfant ou un adulte, parce que de temps, Mickey a enfin des défauts. Voilà, c'est... Oh. Et le fait qu'il en ait lui permet donc de faire face à la situation de manière beaucoup plus humaine. Donc pour moi, c'est important. Et ça se porte non seulement sur l'être humain, mais aussi sur le monde. Voilà. L'être humain a des défauts, c'est ce qui le rend intéressant. Le monde a des défauts, c'est ce qui le rend intéressant. Et il ne faut pas mentir aux enfants là-dessus parce que ça me paraît désuet. Merci beaucoup pour cette réponse. Désolé, hein, j'ai bourré à l'infini, c'est pour ça. Non mais c'est intéressant, en plus c'est quelque chose dont on discute assez souvent, l'idée de aussi de ne pas prendre les enfants pour des cons, et justement aussi à travers la BD, quoi, de donner plein de BD, de ne pas donner que des BD réservés aux enfants, oui. Et aussi de donner des BD réservés, enfin, voilà. Mais oui, du coup voilà. C'est intéressant que t'en parles, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Absolument, et c'est marrant que, tu vois, Star Wars, la série Star Wars, les 4 premiers, enfin les 3 premiers, pardon, excuse-moi, le 4, 5, 6, tu vois, Luke Skywalker, tout ça, ouais. C'est marrant parce que ça a toujours été bourré comme des trucs pour enfants aussi, pour adultes et geeks bien sûr, mais tu sais, on vend des sabres laser aux petits, on les fait cosplayer en Luke Skywalker, en Dark Vador, tu sais, on les fait se balader ou quoi que ce soit. Dans le 2, Luke, il se fait trancher la main, si tu veux, quand même. Tu sais, ça vole et tout. Tu sais, enfin, ça gicle. Enfin, let's go, quoi. Ça bourre. Il y a des vaisseaux qui sont détruits. Il y a les potes Biggs et Wedge qui sont dans le vaisseau. Ils explosent. Les gars, ils meurent dans l'espace. Mais il y a moyen de présenter la chose. Tu peux présenter la chose de manière distinguée, digne et correcte, plutôt que de manière crasse. Et pour moi, c'est ça qui fait toute la différence. Voilà. C'est vraiment une question de méthode de récit. Et c'est donc dans mon livre La forteresse du chaudron noir, dont on continuera de parler tout à l'heure, j'ai continué à aller sur cette lignée, toujours en restant dans le distingué, mais jamais en mentant ou en disant non ça existe pas, lol. C'est pas et ben c'est une très belle transition que tu vas nous faire là pour teaser un petit peu la suite. On parlera, voilà, donc tu nous as fait un très beau monologue sur le pourquoi du comment. Désolé. Non mais c'était très intéressant, moi j'ai pas vu le temps passer. C'est pas de ma faute, faut que tu prennes le contrôle de ton émission aussi, Benjamin, je fais pas clic-clip. Quel enfer. Non mais j'étais accroché par ce que tu disais, c'était vachement intéressant. Mais voilà, donc pour que je reprenne contrôle de l'émission justement et que je te muselle un petit peu parce que tu es très énergique, ça se voit. Canalise. On va donc te canaliser avec donc une chanson que tu m'as proposée, que j'ai écoutée hier et que j'ai adorée. J'ai découvert le groupe en même temps. Ça sera L'arme de l'univers de Manigance. Donc, voilà, donc on se retrouve tout à l'heure sur Fadjet après ce magnifique titre de Manigance. ça, c'était du bon son métal. Ah, j'avoue, c'était plutôt métal. Fréquence BD. Vous êtes de retour sur Fréquence BD, sur Fadjet, votre émission bande dessinée. Donc, c'était Manigance avec les larmes de l'univers. Donc, une chanson qui a été proposée par notre invité, Bob Lennon, qui est avec nous, donc vidéaste. Tout à fait. Je veux dire, du fantasy metal français, c'est suffisamment rare pour être noté. Et en plus, ils sont suffisamment quali. Ils connaissent Benzaï, c'est des gens fantastiques. Enfin, voilà, bon. ils méritent. Donc, des gens très, très, très sympas, apparemment. Absolument. Et donc, on t'a pas invité pour que tu nous fasses un débat, certes très intéressant, sur voilà. Je suis désolé. je vais te bâcher là-dessus tout le long, ça me fait marrer. Tu peux. Sur l'accès aux jeunes, hein, sur les différentes choses. Bref, tu as donc écrit un bouquin qui n'est pas encore sorti à l'heure où je te parle, mais qui ne saurait tarder. Donc, qui est tout simplement La Forteresse du Chaudron Noir. Alors, pourquoi on t'invite? Tout simplement parce qu'en fait, le processus de création de ce livre est plutôt original, car tu as en fait réalisé un financement participatif sur le site KissKissBandBand, donc c'est-à-dire que ce sont des gens hein, qui t'ont fait des dons, tout simplement, pour aider à financer le bouquin. Et donc, Première objection, votre honneur. Il ne s'agit pas de dons, il s'agit de précommande. D'accord, excusez-moi. C'est juridiquement suffisamment important pour que je le précise, parce que ça change aussi la nature de la transaction et la nature de ma requête envers les gens. Mais je te laisse continuer, j'y reviendrai juste après. Donc de précommande, et donc sur un objectif de 35 000 euros, plus de 1,8 million d'euros ont été récoltés, ce qui est un record en fait en Europe. Ça n'a pas été un record longtemps, c'est un record dans lequel j'ai été battu au bout de 3 mois si tu veux, mais pendant 3 mois j'ai été médaillé d'or, maman je passe à la télé. Donc, mais alors du coup la question que je me pose, et ensuite on en parlera plus en détail du livre en lui-même, comment fonctionne en fait un financement participatif, et qu'est-ce que tu fous de tout cet argent une fois que tu l'as eu, à quoi ça va servir? Alors, déjà, il faut savoir que sur tout ce pognon, moi, je ne touche que les droits d'auteur. Je ne reçois pas l'argent directement. L'argent est mis dans un petit pactole sur le côté qui va servir à la production du livre, à l'envoi et au paiement des différents prestataires qui vont douiller à gauche et à droite. La fin de l'argent, c'est-à-dire tout ce qui restera, le reliquat, servira à aller à la maison d'édition qui, elle, se fera un beau bénéfice dessus et se paiera des bonnes fins d'année et tout le principe. Donc, c'est le fonctionnement normal de l'édition de livres. Ça, je vous cache pas, vous êtes au courant. C'est-à-dire, il n'y a pas de mystère. Bon. L'intérêt de KissKissBankBank, c'est que ça permettait une précommande. J'annonçais aux gens, aux gamins qui me suivaient depuis 10 ans, qui maintenant en ont 25, ils ont des gosses et ils sont imposables. Je leur dis, je me fais vieux et j'avais envie de créer quelque chose d'autre. Donc j'ai écrit un livre. C'est un livre dont vous êtes le Billy. Voilà, parce qu'il faut savoir que la licence des livres dont vous êtes le héros est maintenue par Gallimard et c'est pas nous. C'est pour ça. Donc vous êtes un livre dont vous êtes le Billy. Donc c'est un livre d'aventure à choix multiples, comme vous en avez déjà beaucoup vu ou découvert. Si vous ne savez pas ce que c'est un livre où en fait à chaque fin de chapitre vous avez des choix comme ça, genre si vous ne gagnez pas ce combat, rendez-vous en 400, mais si vous êtes victorieux, c'est épuisé mais vivant que vous retrouvez votre ami en 4. Voilà, et il faut donc aller au chapitre correspondant pour continuer l'histoire, c'est les choix multiples. Et je voulais vraiment créer un univers fun dans lequel les gens puissent s'amuser en gardant des blagues, un univers cohérent. Je voulais essayer de créer quelque chose d'amusant pour ceux qui font du jeu de rôle, par exemple comme ANJ qui créerait un univers à lui pour y faire jouer ses joueurs finalement. Et moi je voulais balancer les gamins dans mes vannes, dans mes leçons, dans ma vie, dans mes rêves, dans mes espoirs et dans mon fun. Je voulais créer un parc d'attractions et ensuite y lâcher les gosses. Voilà, alors les gosses, ils ont tous entre 15 et 30 ans. Je m'excuse, j'en ai 34, donc moi je me le permets. Et pour ça, mais c'est l'idée. Donc voilà, et le processus donc de financement participatif, à la base on avait mis un objectif de 35 000 euros à peu près, je crois, je me souviens. Oui, si c'est bien 35, mais j'ai vérifié pour pas dire de conneries. Bon, merci beaucoup, voilà, j'ai même pas vérifié, grosse maîtrise. Hein. C'est parce qu'en fait, ça aurait couvert le coût de l'impression à zéro. C'est-à-dire on aurait fait zéro bénéfice dessus, rien du tout. C'est juste qu'à partir de là, on faisait un bénéfice, c'est à partir de là, on break even, tu vois. Et je m'étais dit, eh ben c'est bien. Si jamais ça tombe en dessous et qu'on n'atteint pas cet objectif, dans ce cas on perdra pas d'argent et on fera pas ça pour rien, parce que c'est pas humain de faire des choses pour rien, il faut pas. Et dans ce cas tout le monde est remboursé, ça permet ça aussi. Si jamais on est au-dessus, même si c'est pour 100 balles, je le fais, parce que pour moi c'est une expérience de vie et c'est quelque chose que je veux vivre. On a atteint 1,8 million parce que les gens apparemment m'aiment beaucoup et me font confiance et ça me touche. Et du coup, je me suis acharné pour augmenter la qualité de tout ce que j'ai fait. Alors, je me suis pas dissipé dans des trucs annexes comme créer des films, faire une BD, une série de télé ou quoi. Non. J'ai gardé l'argent et j'ai vraiment fait en sorte d'augmenter la qualité des bouquins que j'ai en face de moi. On est à la radio donc on les voit pas si tu veux, mais ils sont magnifiques. Waouh. Voilà, mimé. Ils sont magnifiques et Link Digital Spirits, qui est ma maison d'édition, m'a regardé en disant on est dans les top 2 des produits les plus quali qu'on ait fait. Le top 1 c'était pour un anglais qui était encore plus gros que moi, gigantesque dans le truc, et là vraiment voilà, il y a le coût nominal de chaque livre est presque vendu à perte parce que la qualité d'impression et la qualité de reliure et tout le truc est au max, si tu veux. Donc en fait on va wow, classe. En fait t'es en train de nous dire qu'on va recevoir un bouquin qu'on aurait pu retrouver dans une abbaye avec des reliures dorées sur le côté. Alors si tu as la version ultra collector, oui, si tu as la version backer normale, ce sera un livre somme toute normal, mais j'ai insisté énormément dessus et sachez qu'on m'a proposé plusieurs couvertures, plusieurs styles, des trucs un peu plus manga, des couvertures un peu plus flashy, un peu plus colorées, un peu plus boîte de céréales pour mieux les vendre en librairie, tu vois. Et j'ai refusé parce que ça avait l'air cheap. Et en fait, pour moi, mentalement, je sais pas si vous êtes d'accord, mais quand un livre a l'air cheap, il finit au fond des chiottes. Quand un livre a l'air précieux, il est dans une étagère à prendre la poussière à côté d'autres livres précieux et il n'est que pris et lu avec révérence. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors certes, faut pas dire que mon livre il est pris ou à lire avec révérence, ça reste un livre d'aventure simple avec un univers low fantasy. Et un personnage que j'utilise pour exprimer mes pensées et mes rêves qui accompagne votre héros principal qui est Billy. Billy c'est vous. Vous jouez Billy pour ça. Moi je joue le Pyro Barbare, c'est-à-dire un gros mec qui fait beaucoup de bruit, qui est le pire ennemi et l'allié le plus fidèle et qui vous accompagne avec son pagne et sa hache. Un peu ce que tu fais actuellement. Absolument. D'accord. Absolument. Et je voulais que le personnage soit le héros. Que ce soit le héros, parce que il faut que le héros ce soit vous. Il faut que ce soit vos choix qui comptent dans la balance. Lui, il existe dans l'univers. Alors, il est enfermé dans cet univers, pas vous. Excuse-moi, mais Gabriel, tu voulais dire quelque chose ? Ah non, c'était juste une blague. T'as dit quelque chose que tu fais beaucoup et j'ai dit dans la rue. Mais bien sûr. C'est vrai. Donc on va passer tout de suite à une seconde question parce que sinon on ne t'arrête plus. Hein. Tu es tel un fauve dans les arènes. Marie, il me semble que tu avais quelque chose justement là-dessus. Et oui, mais en fait, t'en parlais un petit peu. Tu dis que c'était vraiment un rêve d'enfant, un truc que tu développais un peu dans ta tête. Et je me demandais en fait, du coup, combien de temps c'était pris un peu pour développer ça et qu'est-ce qui t'a inspiré aussi, parce que bah voilà, tu parles de ton univers et tout. Ça, j'ai vraiment hâte de savoir dans quel univers on va être plongé et tout. Mais genre, quelles œuvres ou quelle BD ou quel truc t'a inspiré en fait. Absolument. J'ai été inspiré. Parce qu'il nous manque, je trouve. Pas parce qu'il nous manque, mais parce qu'il a, entre parties, disparu. Alors, ça n'a pas disparu, mais ça n'a jamais été fusionné. Je ne suis pas un créateur, je suis un mélangeur. Je vais prendre ce qui existe déjà et en faire un gâteau. C'est mon bar. Bien sûr, en retouillant à ma sauce, ce qui fait que je peux ensuite jouer l'originalité et tout le reste. Mais voilà, je n'aurai pas l'originalité d'un Tolkien, mais j'essaie de mélanger le low fantasy, le heroic sorcery, sword and sorcery, tu vois, le style Conan, qui est très absent, je trouve, de nos jours, mal récrié, mal respecté. On voit justement on voit une inspiration Conan hein, pour ta couverture. Absolument. Du bouquin, qui fait très vieux livre en fait, très vieux livre d'aventure. Mais voilà, je vais taper là-dedans aussi et aussi. Mais vas-y, reprends la question originale. Oh, j'en prie, pas de soucis. Mais énormément d'inspiration aussi auprès de Terry Pratchett et de sa saga du Disque Monde, bien évidemment. Pas forcément pour l'univers, je vais pas reprendre son univers, non merci, quoi, c'est déjà pas légal et ensuite non. Mais en fait, pour le fait que c'est un homme qui fait fi des règles préétablies. C'est un homme qui se complaît dans l'absurde. Pour moi, la saga de les livres du Disque Monde de Terry Pratchett, feu Terry Pratchett, feu Lord Terry Pratchett, parce que c'était un seigneur, anglais, on le respecte, béni par la reine et tout, adoubé par la reine et tout. En fait, c'est un homme qui crée ses propres règles physiques et chimiques, genre la lumière avait une vitesse qui était vachement plus basse, ce qui en fait te permettait de courir plus vite que la lumière quand le soleil se levait le matin. Tu vois, des trucs bêtes comme ça, des tas de choses qui violeraient les lois de la physique chez nous, mais qui, chez lui, donnait une cohésion, une cohérence et un univers bien à lui. Et j'ai toujours trouvé ça extrêmement incroyable que que cet homme arrive à oser. En fait, il ose. Il brise toutes les conventions sociales. Il brise les mélanges et les images normales. Il garde des choses qui sont assez... un peu comme Star Wars. Star Wars garde des visuels qui sont assez réminiscents de notre technologie à nous. Par exemple, quand Han Solo, il sort un Luger, tu sais que c'est un pistolet, tu vois. Mais c'est un Luger qui a l'air un peu du futur. Parce que dire, c'est il a une gueule un peu bizarre. On comprend tout, tu vois. On comprend tout du premier œil, sans pour autant... sans pour autant... Oui, l'aspect alien de la chose. Quand tu vois un Stormtrooper, Avoir tu comprends les mêmes que c'est un réflexes que toi. Voilà. Ouais, c'est ça. Quand tu vois un Stormtrooper, tu comprends que c'est un soldat. Mais t'as jamais vu une armure comme ça sur Terre. Ça n'existe pas, tu vois. Et donc, en fait... Créer vraiment des nouvelles références et créer vraiment des nouveaux piliers de c'est ce que, ça. Dans ton et là, univers, moi, je ne suis pas assez fort pour créer des nouvelles références, des nouveaux piliers ou quoi que ce soit, mais je voulais créer un univers qui, au moins, soit extrêmement cohérent et cohésif, dans le sens où il n'y a pas de plot hole. Il n'y en a aucun. Il y a mes dieux, il y a les personnages, j'ai créé mon univers, j'ai fait la totale et tout ça. Et quand même donner un petit peu cet aspect absurde qui renverse un peu la société, les codes et les logismes sur la tête. Donc en fait... En donnant une bonne raison d'exister. En fait, si on devrait résumer l'univers de ce bouquin, c'est en fait, il est cohérent dans son incohérence sur... Absolument, dans son absurdisme, voilà, c'est ça, dans son absurdité. Et de faire des petites blagues, des références, et de temps en temps lancer des petites piques à notre réalité ou notre vue ou concept ou logisme de la réalité, si tu veux, comme le faisait si bien Terry Pratchett. Ce qui d'ailleurs, je pense, il a créé cet univers juste pour lancer des piques au concept qui lui les déplaisait dans la vraie vie. Vraiment, donc lui, lui, il a créé son terrain de jeu où il a dit l'insulte est un compliment pour pouvoir insulter tout le monde. Tu vois, c'est ce qu'il a fait, c'est pour ça. Donc c'est du génie. Et c'est du génie. Il le faisait tellement bien, je ne pourrais jamais égaler une telle plume. Et je ne me prétends pas. Moi, l'objectif n'étant pas de créer un nouvel univers, de transporter ou quoi que ça, c'est juste du fun. Pour moi, si vous réussissez à souffler du nez une fois en lisant mon livre, mon objectif a été atteint. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle phrase. On a encore quelques petites questions à te poser, mais si ça te dérange pas, on va couper ça avec une petite partie musicale. Alors Marie, il me semble que tu voulais mettre du rock ou du métal, je ne sais plus. Est-ce que tu avais un titre en tête ou... Ah bah non, mais si jamais personne d'autre ne met de musique, mais moi je veux bien mettre Toxicity de System of a Down. Et donc ça sera Toxicity de System of a Down tout de suite sur Fadjet, et on se retrouvera tout à l'heure pour la fin de l'émission, mais avec encore un petit peu avec une question, puis on connaît Bob, hein, ça va durer 30 ans, enfin bref, la suite des giga monologues avec Benjamin sur Fadjet, enfin bref, à tout de suite. Of our city. No! What are you on the wall? Fadjet, 94.2. 94.2, c'est plus élevé que mon QI. Eh bien, éduque-toi, Billy, sur Fadjet. Vous êtes de retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée, sur Fadjet, avec notre invité Bob Lennon, vidéaste et également... On est sur l'émission bande dessinée, c'est pour ça qu'on parle d'un livre, mais dedans, il y a des dessins. Paraît-il. Voilà, donc, par un vidéaste. Voilà, par un vidéaste qui s'est présenté lui-même. Et donc, on a brassé un peu ton univers, le pourquoi du comment de ton livre, qui est certes pas une bande dessinée, mais voilà, on voulait parler de son processus de création. Et justement, Marie, tu avais une question très pertinente sur... Parce que justement, Bob, on t'a déjà proposé des projets de bande dessinée, donc vas-y Marie. Absolument. Ouais, justement, voilà, on t'a proposé plusieurs fois des projets de bande dessinée. Et du coup, je voulais savoir pourquoi tu les as toujours refusés. Est-ce que c'était... Et vraiment les offres qui te plaisaient pas, si elles étaient trop commerciales ou dans lesquelles tu pouvais pas t'exprimer, ou est-ce que c'est vraiment la forme BD avec laquelle tu te sens pas à l'aise et tu préfères l'écrit, etc. Sachant que j'ai ma notoriété ou que j'ai eu une grosse notoriété, notamment il y a quelques années où j'ai été au top de cette popularité qui était énorme, bien évidemment on m'a tout proposé, hein, on m'a tout proposé en long, en large, en diagonale. Est-ce qu'il y avait des sets de table Bob Lennon? Rigole, fan, on Bob avait Lennon. Des nappes, ça n'existait pas à l'époque, mais des on nappes. Avait des nappes. Des nappes, pour dire à quel point, et bien sûr on a tout refusé en bloc, parce que trop commercial, déjà trop commercial. Non mais déjà, quel jeune achèterait une nappe Bob Lennon? Non mais voilà, alors, ça aussi, alors ça mais c'est pour l'exemple absurde, mais des BD on nous en a proposé aussi à l'infini, et non, pour deux raisons à ça. La première, c'est que effectivement, je voyais ça comme étant un élément beaucoup trop commercial. J'ai même vu des collègues, d'autres youtubeurs ou autres vidéastes, auxquels je ne jette pas la pierre, mais qui ont sorti des BD, auxquels on leur a sorti des vannes, ils les ont sortis, ils les ont imprimés. Bon, voilà, ça fait plaisir, ça fait un revenu. Mais globalement, ces BD-là, ils n'en sont pas ultra fiers. Tu vois, regarde, ils sont là, bon, c'est là, ça existe. Oui, c'est potable, c'est potable. C'est ça. Mais voilà, c'est pas. Parce qu'en même temps, ils n'y ont pas eu une main artistique. Parce que pas le temps. YouTubeur, c'est un métier à temps plein, les enfants. Faut bosser à l'infini ou quoi que ce soit. Et même ce livre, j'ai eu deux boulots à temps plein pendant un an, ça m'a tué. J'ai perdu des cheveux, je ressens plus à rien. Enfin, quel enfer. Le truc, c'est que ils n'avaient pas le temps ni l'énergie, ou peut-être pas la volonté, d'y mettre justement tout ce que eux ils voulaient y exprimer. Peut-être que s'ils voulaient y exprimer des choses, ils n'auraient pas fait ça sous forme de BD. Moi, c'est pareil. Une BD, j'ignore où est-ce que j'irai avec. J'ignore quel en serait l'intérêt. Qu'est-ce qui la rendrait exceptionnelle et qu'est-ce qui n'en ferait pas une énième et éternelle BD à la Fnac sur la pile de dizaines de BD qui ont un tome 1, un tome 2, mais pas de tome 3, si tu veux. C'est pour ça. Donc, j'étais très peu chaud à l'idée et surtout, j'aurais pu avoir absolument aucune instance de contrôle ou d'aide là-dessus. Je peux pas faire les dessins moi-même, je suis un piètre dessinateur. Il aurait fallu que je trouve la personne parfaite, il aurait fallu qu'il fasse exactement ce que je veux. Enfin, comprenez, voilà, c'est pour ça. Alors que là, sur ce livre, au moins, j'avais une instance de contrôle qui était totale. Et quand je dis totale, c'est total. J'ai refusé des trucs qui, commercialement, étaient plus faciles juste pour offrir plus de qualité. Et ils ont pas bronché. Merci mon nom, merci le poids que j'avais en termes de vendeur ou de youtubeur, si tu veux. Mais du coup, voilà. Donc oui, c'était pour, encore une fois, dans cette démarche d'honnêteté. Se faire de l'argent, oui, mais il faut que ce soit fait correctement. Mais c'est une très belle phrase. Alors que j'aurais pu sortir des BD, Le Pierrot Barbare, en 4 BD. Ouais, ouais. Ça continuera à sortir, tu vois, on sera au tome 19. J'en aurais jamais lu. On les aurait lus. Oui. Et j'en aurais jamais lu une seule, moi. Et ça aurait été nul. Mais quand je dis nul, c'est et justement. Nul tiers. Enfin, voilà. Et justement, le alors, comble. J'ai été élevé par Gaston Lagaffe, qui est quand même le summum, si tu veux. J'ai été élevé par Jobard Team. Voilà. Et là, on est en haut. J'ai été élevé par Little Kevin. Et là, on est en haut. Et quand je dis en haut, c'est en haut avec un H majuscule. Respectez-vous. J'ai été élevé avec Gottlieb. Voilà. Qu'est-ce et que tu veux faire une BD après en passant derrière Gottlieb? Et donc... J'ai été élevé avec Kid Paddle, qui pour moi, c'est quand même, on est au summum de la BD, qui est, je ne veux pas dire qu'elle est commerciale, mais tu sais qu'elle est dans ce format commercial. C'est un petit peu la BD épisodique avec des blagues, des gags, et parfois c'est un peu gamincieux. Mais pourtant, on est dans le summum. Bordel de merde, comment j'aurais voulu. Enfin, comment auriez-vous voulu que j'égale ce level de qualité et que j'aille me coucher le soir sans honte en pondant un truc à l'arrache, quoi. C'est et justement, hein, pour l'anecdote, hein, le comble dans tout ça, c'est que tu es toi-même un personnage de bande dessinée. Dans la vraie vie, oui, c'est vrai. Non. J'ai passé sous une voiture récemment. Non, parce que je sais que t'es un personnage dans Witch Memories et dans les chroniques de Tubonia, il me semble. Absolument. Donc c'est ça qui est vachement drôle, c'est que tu ne te vois pas faire de la bande dessinée, mais pourtant les gens te voient en tant que personnage. Quand les gens me mettent en BD ou en bande dessinée, ça me dérange moins et surtout je suis pas quelqu'un. Alors si un jour tu sors les BD de Bob Lennon et que tu me donnes zéro, je vais commencer à froncer les sourcils. Mais si c'est une BD et que le dessinateur il a 25 piges et qu'il a grandi avec moi et qu'il a mis un Bob Lennon sur scène en fond qui est en train d'animer la salle pendant que le protagoniste passe en premier plan, j'aime bien parce que beaucoup de gens m'envoient ces images en disant oh là là, quand le procès. mais calmez-vous, respirez. Enfin, je suis une personne publique. Je vais pas mettre des quilles à tous ceux qui au contraire expriment la joie que j'ai pu leur apporter et essaient de le rendre en m'intégrant à leur univers, ce qui est un honneur gigantesque dans lequel je m'incline, devant lequel je m'incline. Je vais pas péter des câbles pour rien, tu vois. Enfin, calmons-nous. Ben, merci beaucoup. Donc, merci à toi d'avoir accepté notre invitation à Fadjet pour nous parler de la forteresse du Chaudron Noir. Vite fait, un petit rappel. Le Chaudron Noir que les gens recevront d'ailleurs fin août parce qu'à cause du canal de Suez, à cause du Covid, à cause des différents goodies, ça, nous avons les livres, là, j'ai les livres, ils sont ici, tu vois, sur la table. Mais les goodies, eux, sont arrivés et sont en train d'arriver un peu en retard et on les recevra mi-juillet. Donc, pour être sûr qu'on ait bien tout reçu, on enverra ça fin août. Et pour ceux qui n'ont pas eu le livre avec la précommande, vous le trouverez disponible en librairie dans la quinzaine d'octobre. Voilà, en même temps que le livre de J.K. Rowling. C'était la meilleure semaine pour sortir mon bouquin en librairie. Fantastique. C'est bien, il n'y a aucune concurrence à ce moment-là. Aucune concurrence, zéro. Voilà, c'est bon ça. Bah, j'ai entendu des news disant que Caroline était en sueur, hein, parce que elle sait qu'elle va. Ça va être une très mauvaise semaine pour elle. Hein. C'est vrai, on a des contacts chez J. Caroline. Elle nous a dit, je cite, non mais Bob sort son livre le même jour, je suis fini. Enfin bref. Oui, exactement. Et puis voilà, j'ai lu aussi Le Psynosis. C'est l'histoire d'un gamin. Il s'appelle Jack et il a perdu son conchon. J'étais là, j'ai aucune chance. C'est terminé. Je serai aplati, écrasé et terriblement humilié. Mais enfin voilà, pour tous ceux qui souhaitent se le procurer, il sera disponible en librairie à partir de mi-octobre, avec plaisir, avec tous mes remerciements. Eh bien, merci beaucoup Bob Lennon pour ces détails et pour nous avoir raconté ton histoire rocambolesque, de ton rapport avec l'imaginaire et la création de ton bouquin, qui était quand même intéressante. J'en profite pour souligner qu'une plus grosse FAQ sortira sur ta chaîne YouTube bientôt. Ah oui, pour préciser le pourquoi du comment et pourquoi le fait que le canal de Suez ait été bloqué. Voilà, retarder tout le monde de 3 mois. Donc voilà, vous aurez encore plus de détails sur sa chaîne YouTube de Bob Lennon. Sur ce, nous, on va laisser l'antenne aux émissions qui vont suivre sur Fadjet. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve début juillet pour la dernière émission de la saison. Et ensuite, on se retrouvera vers septembre, novembre. Ça dépendra de comment ça se passera. Merci beaucoup pour votre écoute. Un plaisir. Gros bisous. Salut. Au revoir. Ne pleure pas, Billy. Fréquence BD revient le mois prochain avec toujours plus de BD, des invités encore plus puissants et des animateurs toujours aussi... débile. Excentrique, Billy. Et c'est tous les premiers vendredis du mois.